s'est-il passé ce jour? Que s'est-il passé hier jusqu'aujourd'hui? Donne-moi de la lumière. Que s'est-il passé hier plus qu'aujourd'hui? La veille. Ce que les autres ne veulent pas faire. Nettoyer, nettoyer la merde des autres. Nettoyer, nettoyer. Avoir le cœur bien accroché. Nettoyer. De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Avoir le cœur bien accroché, voyez-vous. Pas de mystère, pas de mystère, pas de mystère. De l'ombre à la lumière, plus de repères. Mais pas de mystère, non. De l'ombre à la lumière, pas de repères. Mais pas de mystère. De l'ombre à la lumière, pas de mystère, on se perd, mais pas de mystère, on se perd, mais pas de mystère. De l'ombre à la lumière, pas de mystère, on la lumière, pas de mystère. De l'ombre à la lumière, non, pas de mystère. On perd ses repères.